Certains rappels s'avèrent utiles quand l'âme est noire. Si je garde la tête froide, c'est parce que je me rafraîchis la mémoire. Ma plus grande phobie, c'est celle de finir mal. J'assume pas mes failles, alors je les exprime en langage subliminal. Les années passent, je fais tout pour les ralentir. La vitesse mène à l'impasse, je veux que mes journées soient tranquilles. Je me sens différent de tous ces gens qui visent la démesure. Les hommes n'aiment pas les effets du temps, par contre ils aiment l'usure. Pour être honnête, j'avoue que ce constat fait mal. Paraît que c'est s'agrandir, penser seulement taf et maille. Mes trophées m'ont rendu fier, mais cette époque est maintenant révolue. Qu'importe la gloire, on oubliera vos victoires et vos luttes. J'ai pas besoin d'or, moi j'ai besoin d'heures. J'ai besoin d'apprécier le voyage, rien à faire d'être vainqueur. Téléphone éteint pour arrêter le temps qui court. Je filme avec mes yeux, ouais j'ai souvent la tête qui tourne. Elle est loin l'époque des foot à la récré. La magie se fait rare, alors viens mon art, je la recrée. Tant pis pour les regrets, faudra vivre avec. Je retiens pas les moments graves, je retiens les moments gravés. Ouais, c'est pour mes idées que je transpire. Voilà comment je combats la grande peur que la montre inspire. Mon seul but, c'est de repartir là m'apaiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui mon rap est zen. Des rêves inexaucés, des espoirs déçus. J'efface les rimes de la veille au Tipex et j'écris par-dessus. L'impression d'être déjà cravagé. Peur du lendemain, chaque nouvel an de plus annonce un nouvel an de moins, faut cravacher. Choisis bien ton périmètre avant d'être hyper amer. Une seule autobiographie, dis-moi qu'est-ce que t'espères y mettre. T'es sous l'emprise de l'horloge et de ses tentacules. Tu peux tenter de fuir mais rappelle-toi dans tous les cas le tentacule. Toujours cette même émotion devant le cimetière. Les regrets, le chacun, le seum de n'avoir pas su me taire. À chacun de mes pas sur terre, persécuté par les remords. Combat perdu d'avance, en fait, c'est comme si je voulais plaire aux morts. Ça me ferait mal de partir jeune comme Avicii. Trop d'insécurité mentale pour mener la vie de chill. De toute façon, quand t'as peu de repères, t'apprends vite à t'en passer. Ceux qui veulent un monde plus que parfait vivent dans le passé. M'en aller trop tôt, c'est vrai que l'idée m'angoisse. Pour oublier, j'écoute les mêmes artistes en boucle et je relis des mangas. Nul ne peut savoir s'il a réussi le voyage. J'attends mon heure, j'espère avoir une suite royale. Elle est loin l'époque des foot à la récré. La magie se fait rare, alors viens mon art, je la recrée. Tant pis pour les regrets, faudra vivre avec. Je retiens pas les moments graves, je retiens les moments gravés. Ouais, c'est pour mes idées que je transpire. Voilà comment je combats la grande peur que la montre inspire. Mon seul but, c'est de repartir là m'apaiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui mon rap est zen, je répète. Elle est loin l'époque des foot à la récré. La magie se fait rare, alors viens mon art, je la recrée. Tant pis pour les regrets, faudra vivre avec. Je retiens pas les moments graves, je retiens les moments gravés. Ouais, c'est pour mes idées que je transpire. Voilà comment je combats la grande peur que la montre inspire. Mon seul but, c'est de repartir là m'apaiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui mon rap est zen.